À l'occasion du 36e anniversaire du soulèvement populaire de Gwangju du 18 mai, les Coréens aux États-Unis ont tenu le 17 à Chicago un rassemblement commémoratif et souligné qu'il faut continuer toujours l'esprit du soulèvement de Gwangju pour que le pouvoir injuste ne foule plus aux pieds la liberté ni les droits de l'homme de la population.